Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 6, du samedi 29 septembre 1883. Page 4, colonne 2. Note de la rédaction. Monsieur Mousseau a été élu dans Jacques Cartier par 70 de majorité. Le Sorellois dit qu'il n'y a qu'un castor, conservateur mécontent opposé à M. Mousseau, dans le comté de Richelieu. Ce phénomène serait l'honorable J.B. Guévremont, autrefois connu par le nom de Petit Baptiste. On explique son attitude par le fait qu'il a été tellement bourré de faveurs ministérielles qu'il a, maintenant, la digestion mauvaise. Rien de pareil pour engendrer la bile. On sait que le pionnier est battu de ce mal à Québec, mais les potions qu'on lui envoie d'Ottawa le purgent de temps à autre. Notre spirituel collègue de Sorel dit que le rongeur ne fera point de petit politiquement parlant. On lit dans Les Lecteurs un bruit courant parmi les amis de Sir Hector Langevin à Ottawa. C'est que celui-ci favorise secrètement la candidature de M. Descaries parce que la défaite de M. Mousseau serait un coup porté à son rival, l'honorable M. Chapelot. Dans les mêmes cercles, on dit que la charge de juge, à Rimouski, est réservée au premier ministre en cas de défaite. Ce que c'est que la politique. L'auditeur de la province vient de fournir un rapport montrant que la réduction opérée par l'honorable J.A. Mousseau dans les dépenses annuelles de la province s'élève, dans les 6 derniers mois, à 156 000 $. Sur cette somme, il y a 85 000 $ pour le service civil et 71 000 $ pour l'asile de Beauport. C'est une bonne note en faveur du cabinet actuel. À quelques partis politiques qu'on appartienne, on devrait être assez indépendant et impartial pour admettre que le retranchement et l'économie étant à l'ordre du jour dans nos finances provinciales, le premier ministre, qui a assez de nerfs pour mettre hache en bois, a bien mérité de ses concitoyens. Que M. Mousseau continue dans la voie des réformes nécessaires, il sera un véritable homme d'État, un sauveur de la province, l'ami du peuple. Mais point de blague, qu'il aille droit au but. Un député modèle, c'est M. Picard. L'année dernière, il a obtenu, pour les comtés de Richmond et Wolfe, la jolie somme de 1777,29 $ pour l'ouverture de nouveaux chemins de colonisation. Le père Sawyer n'est pas manchot non plus. Il a obtenu 1835,85 $ pour le comté de Compton. Le docteur Fréjot, un novice, n'a eu que 288,94 $ pour Shefford. Mais attendez qu'il sorte le bistouri. M. Thornton n'a pu toucher que 150 $ pour Stansted. Mais le coq est le député de Beauce, 2507,33 $. Il est vrai qu'il est ministre, ce qui lui donne accès à la Caisse d'économie provinciale. Voilà des députés qui travaillent pour leur comté. Puis ces derniers sont si bien employés. Voyager en été dans ces chemins de colonisation. Admirer les trous, les ornières, les carreaux, les pentes, etc. Et dites si ce n'est pas l'image du chemin étroit et raboteux qui conduit au ciel. Et les conducteurs des travaux donc, en voilà des gens qui secondent noblement les efforts généreux des représentants du peuple. Aussi, partout entendez-vous dire « Monsieur X, ça c'est un bon membre ». Oui, brave cœur, mais qui gaspille de la sorte les deniers du peuple? On devrait abolir au plus tôt le mode actuel et dépenser l'argent sous le contrôle direct du gouvernement. Tout le monde se plaint, à l'exception des conducteurs, qui se graissent la patte, comme on dit. Mais comment se fait-il que les journaux ne lèvent point la voix à propos de ce scandale? Que ceux qui ont des griefs nous les fassent connaître, à l'exemple des colons des Israélites l'autre jour, et vous verrez que les choses iront bien autrement. Monsieur Mousseau, à l'avenir, gardez ces sommes dans le trésor. Il y a là du gaspillage. Les Canadiens français de Montréal se préparent actuellement à célébrer la fête nationale sur un grand pied l'année prochaine. Il est proposé d'affilier toutes les sociétés Saint-Jean-Baptiste à celles de la métropole. C'est une belle idée. L'union fait la force. On demande aussi aux hommes de profession de donner signe de vie et de prêter main forte au peuple. C'est à propos. Depuis nombre d'années, il y a eu apathie en haut dans toutes les classes de la société. Pour que cette démonstration soit vraiment belle, il faut qu'elle soit générale. Ce jour-là, il ne doit pas y avoir d'abstention. Il appartient aux hommes instruits de donner l'exemple. Le peuple a du patriotisme, il est toujours prêt à suivre. À propos, où en sommes-nous à Sherbrooke? Ne serait-il pas temps d'organiser ici une société permanente au lieu du corps sans âme que nous avons depuis quelques années? Le pionnier vient d'entrer, dit-il, dans sa 18e année d'existence. Il anticipe un peu car le premier numéro apparut le 13 octobre 1866. Mais comme bien d'autres choses, ça revauche, comme on dit au pays. À ce propos, notre voisin s'adresse des louanges et se brûle de l'encens sous le nez. Les gens modestes laissent les autres faire cette besogne pour eux. On sait que le pauvre républicain, sorti justifié du temple, non point l'autre. Mais qu'importe. La rédaction actuelle s'en donne pour son argent. Avec 600 $ par an, elle peut bien se passer, de temps à autre, la fantaisie de se décerner des éloges. Quand on prend les plumes du pan, on en saurait trop prendre. Pour cette fois, du moins, elle a été un peu plus honnête que d'habitude. Elle a écrit « les fondateurs du journal au pluriel ». C'est beaucoup de la part de ces gens-là. Laissez soupçonner qu'il y en avait deux. Depuis 1878, l'autre a bien des intérêts pécuniaires directs dans l'établissement, mais qu'est-ce à dire? Les gros sires qui se prélassent maintenant dans le fauteuil qu'ils convoitaient depuis si longtemps, cela coule douce, comme dirait Cyprien, pas celui du pionnier. Leur but est atteint, il ne reste plus qu'à poser et battre la grosse caisse. « Allons, messieurs, disent-ils, faisons nos affaires. Entrez, c'est libre. Voyez nos listes. 2300 abonnés. Et les colonnes d'annonces prennent la valeur. » Suit un extrait, au cours duquel la divine providence joue un grand rôle. Ça prend.